Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, supplément. Gaumet du Pré 1862. Question 25. Des indulgences considérées en elles-mêmes. Efficacité des indulgences. Elles ont la valeur qu'elles expriment. Cause de leur concession. 1. L'indulgence remet-elle une partie de la peine satisfactoire? L'Église universelle n'approuverait pas les indulgences, si elles n'avaient point quelque valeur. Ce serait une impiété de dire qu'elles favorisent de vaines observances, elle est infaillible. Beaucoup de membres de l'Église accomplissent plus d'œuvres satisfactoires qu'ils n'en doivent pour leurs péchés. Plusieurs même endurent patiemment des tribulations injustes, qui, au besoin, suffiraient par elles-mêmes à l'expiation de leurs fautes. De plus, les mérites de Jésus-Christ, qui opèrent dans les sacrements, n'y sont pas tellement renfermés qu'ils n'en dépassent la puissance. Il se forme de tous ces mérites une réunion de grâces dont la surabondance s'élève bien au-dessus des peines que tous les hommes actuellement vivants ont méritées par leurs péchés. Comme cette surabondance de mérites n'a point été destinée par les saints à telle ou telle personne en particulier, elle appartient à l'Église, dont elle constitue le trésor commun. L'apôtre nous le marque très bien en disant, j'accomplis dans ma chair pour l'Église ce qui restait à souffrir au Christ. Colossiens 1, 24. Les biens d'une communauté devant être distribués à chacun de ses membres selon la volonté de celui qui en est le chef, il arrive que tel individu qui aurait obtenu la rémission de sa peine si Jésus-Christ ou les saints avaient satisfait pour lui en particulier, l'obtient également lorsque l'Église, qui peut disposer en sa faveur de leur satisfaction, lui en fait l'application par les indulgences. Note. Les indulgences ne diminuent pas directement la peine, comme l'absolution sacramentelle, elles donnent à celui qui les gagne des biens spirituels avec lesquels il peut payer ce qu'il doit. Fin de la note. 2. Les indulgences ont-elles toute la valeur de leur énoncé? Dieu, s'écria Job, 13, 18, a-t-il besoin de vos mensonges et de vos ruses pour le défendre? Si notre prédication est vaine, ajoutait l'apôtre, votre foi est vaine aussi. 1 Corinthiens 15, 14. Si l'Église était convaincue de mensonges, même sur un seul point, s'en serait fait de son autorité pour nous confirmer dans la foi. Nous ne dirons donc pas, avec quelques-uns, qu'elle se sert d'une pieuse exagération dans l'énoncé des indulgences pour amener les hommes au bien, comme une mère qui promet un fruit à son enfant pour l'enhardir à marcher. Nous dirons, au contraire, que les indulgences ont toute la valeur qu'elle leur attribue, et que, par conséquent, chacun y obtient, selon l'application qui lui est faite des mérites surabondants de l'Église, la rémission de la peine due à ses péchés, pourvu que celui qui les accorde des autorités pour cela, que celui à qui elles sont appliquées soit en union avec les saints par la charité, et que l'œuvre à laquelle elles sont attachées soit une œuvre pieuse qui contribue à la gloire de Dieu et à l'avantage du prochain. Il n'y a pas à craindre que cet enseignement n'élargisse à l'excès la miséricorde de Dieu au préjudice de sa justice, comme on l'a parfois prétendu. Il ne résulte des indulgences aucune diminution de peine, seulement les satisfactions de l'un sont comptées à la décharge de l'autre. Note. Les indulgences sont du ressort de la clé de juridiction, qui n'a rien de sacramentel et dont l'effet est laissé à la libre disposition de l'homme, elles peuvent être accordées par tout délégué du souverain pontife. Si elles étaient données sans mesure, de manière à détourner les fidèles de la piété, Celui qui les accorderait ainsi pécherait, mais elles pourraient néanmoins être gagnées pleines et entières. Quoique les indulgences puissent exempter de toute la peine temporelle, il n'en faut pas conclure que, laissant de côté les autres œuvres, on doit s'occuper uniquement à les gagner. Les autres œuvres satisfactoires ont plus de valeur qu'elles pour la récompense essentielle à obtenir, laquelle est un bien infiniment préférable à la remise de la peine temporelle. Lorsqu'une indulgence est promise en termes indéterminés à quiconque fera des dons à la fabrique d'une église, il faut entendre que les secours seront proportionnés aux moyens de chacun, et alors chacun gagnera plus ou moins de l'indulgence, suivant la convenance de son offrande. Un pauvre, donnant un denier, la gagnera tout entière, tandis qu'un riche, à l'état duquel il ne conviendrait point de donner si peu de choses, ne la gagnerait pas. Quoi qu'il en soit, comme la remise de la peine est en proportion des mérites appliqués et non du travail de chacun, toutes les fois qu'une indulgence est accordée indistinctement, par exemple, à la visite d'une église, ceux qui demeureront près de cette église la gagneront aussi bien que ceux qui viendront de loin. Et si à cette visite est attachée à perpétuité, je suppose, une indulgence de 40 jours, comme cela a lieu pour l'église de Saint-Pierre de Rome, on la gagnera autant de fois que l'on visitera cette église. La cause qui fait établir ou gagner une indulgence est requise, non pas comme une mesure de la rémission de la peine, mais comme un moyen de diriger vers celui-ci plutôt que vers celui-là l'intention des saints auxquels appartenaient les mérites appliqués. Fin de la note. 3. Doit-on accorder des indulgences pour des subsides temporels? Il y aurait simonie à donner des indulgences pour un subside temporel considéré en lui-même, mais rien ne s'oppose à ce qu'on en accorde pour des subsides temporels rapportés à une fin spirituelle, par exemple, à la répression des ennemis de la foi, à la construction d'un édifice religieux, ou à d'autres bonnes œuvres semblables. L'Église, en pareil cas, accorde un bien spirituel pour un autre bien spirituel. Question 26. De ceux qui peuvent accorder des indulgences. Ce pouvoir n'appartient pas au curé, un diacre ou tout autre qui n'est pas prêtre peut le posséder par délégation. Du pouvoir de l'évêque dans la concession des indulgences, que l'état de péché n'enlève pas ce pouvoir. 1. Les curés peuvent-ils accorder des indulgences? Les mérites des saints, qui, de concert avec ceux de Jésus-Christ, forment le trésor où puise l'Église pour accorder des indulgences, ne sont pas précisément les œuvres satisfactoires qu'une intention particulière avait dirigées à l'avantage d'un individu ou d'une communauté. Ce sont celles qui proviennent de ces mêmes œuvres en tant qu'elles ont été rapportées par leurs auteurs au bien de l'Église en général. Ceux-là donc qui sont chargés du gouvernement général de l'Église, le pape et les évêques, peuvent seuls les appliquer à quelques membres en particulier. Les curés, les abbés et les autres prélats de second ordre n'ont aucun droit d'en disposer pour accorder des indulgences, si ce n'est par délégation. 2. Un diacre ou tout autre qu'un prêtre peut-il accorder des indulgences? Le pouvoir des indulgences étant attaché à la juridiction, les diacres et les autres clercs peuvent en accorder lorsqu'ils sont investis à cet égard d'un pouvoir de juridiction, soit par commission, comme les légats ou les délégués, soit de droit ordinaire, comme les prélats élus, mais non sacrés. 3. Un évêque peut-il accorder des indulgences? Le pape, qui a la plénitude de l'autorité dans l'Église, concède des indulgences aussi étendues qu'il le veut, pourvu qu'il se propose une fin légitime. Les évêques n'ont le pouvoir d'en accorder que dans une mesure fixée par le pape lui-même. Note. Les évêques accordent une indulgence d'un an quand ils consacrent une église, et une indulgence de 40 jours dans les autres occasions. Fin de la note. 4. Celui qui est en état de péché mortel perd-il le pouvoir d'accorder des indulgences? Le pouvoir des indulgences est attaché à la juridiction, que le péché mortel n'enlève pas, donnée par celui qui est en état de péché ou par le plus saint des hommes, elles ont la même valeur, elles remettent la peine temporelle en vertu des mérites de l'Église, et non en vertu des mérites de celui qui les accorde. Question 27. De ceux qui peuvent gagner des indulgences. Les indulgences ne profitent ni à ceux qui sont en état de péché mortel, ni à ceux qui ne remplissent pas les conditions prescrites. Rien ne s'oppose à ce que les religieux et celui-là même qui les établit puissent les gagner. 1. Les indulgences profitent-elles à ceux qui sont en état de péché mortel? L'homme qui est en état de péché mortel est une sorte de membre mort qui ne reçoit point l'influence des membres vivants, les indulgences ne lui profitent pas. Et, en effet, la peine temporelle, pour laquelle elles sont établies, ne saurait être remise avant que le péché ne soit pardonné. Aussi, dans toutes les concessions d'indulgence, est-il toujours fait mention de la contrition et de la confession comme conditions indispensables pour les gagner. 2. Les indulgences profitent-elles aux religieux? Si la perfection ne nuit à personne, la profession religieuse ne doit pas empêcher de profiter des indulgences. Les religieux peuvent certainement en recueillir le fruit tout aussi bien que les séculiers, pourvu qu'ils soient en état de grâce et qu'ils observent ce qui est prescrit pour les gagner. Ils ne sont pas moins aptes que les autres fidèles à être aidés par les mérites d'autrui. Note. Quoique l'état religieux soit un état de perfection, nul n'y est exempt de fautes pour l'expiation desquelles les indulgences sont utiles. Ce n'est pas que les indulgences doivent avoir pour effet la ruine de la discipline. Les religieux méritent plus pour la vie éternelle en observant leurs règles, qu'en faisant des pèlerinages pour gagner des indulgences. Ils méritent moins, si l'on veut, quant à la rémission de la peine temporelle, mais ce dernier avantage doit être sacrifié au premier. Il y a, pour les religieux, des indulgences particulières qu'ils peuvent gagner facilement dans l'intérieur de leur cloître. Fin de la note. 3. Peut-on gagner des indulgences sans remplir les conditions prescrites? Les indulgences n'étant accordées que sous les conditions prescrites, on ne les gagne pas, si l'on ne s'y conforme point. Note. Il est un cas où les indulgences profitent à quelqu'un qui n'a rien fait ni rien donné, c'est celui où la bulle qui les accorde permet de les appliquer à qui l'on voudra, par exemple, aux âmes du purgatoire. Fin de la note. 4. Les indulgences profitent-elles à celui qui les accorde? Quoiqu'un prélat ne puisse pas établir une indulgence pour lui seul, il peut cependant gagner celle qu'il établit pour les autres, il serait dans une condition pire que le reste des fidèles, s'il ne pouvait profiter pour lui-même des trésors de l'Église qu'il dispense à ses diocésains. Question 28. Durée de la pénitence solennelle. Utilité de la pénitence solennelle. Elle ne doit pas être réitérée. On ne l'impose ni aux femmes, ni aux clercs. 1. Une pénitence doit-elle parfois être rendue publique ou solennelle? Réparer un péché, public par une expiation publique, couvrir d'une grande confusion, Même en ce monde, les crimes qui s'y commettent, inspirer aux méchants une juste terreur, encourager à faire pénitence ceux qui sont tombés dans des péchés graves, voilà quatre motifs pour lesquels il est quelquefois nécessaire d'enjoindre une pénitence publique et solennelle. Note. Le prêtre qui prescrit une telle pénitence ne fait aucune révélation de confession, alors même que le pénitent est soupçonné de quelque crime secret. On peut faire pénitence pour d'autres que pour soi-même. Nous lisons, dans les Vies des Pères, qu'un religieux, pour inviter son compagnon à se soumettre à une pénitence, la fit avec lui. Dans le cas où le péché est public, c'est le pénitent lui-même qui révèle sa confession en accomplissant sa pénitence. Fin de la note. 2. La pénitence solennelle se réitère-t-elle? La pénitence solennelle ne se réitère pas, de peur de la faire tomber dans le mépris, et à cause de sa signification même, qui est une profession de garder la pénitence toute la vie, en mémoire de l'expulsion du premier homme hors du paradis terrestre. La réitérer serait une contradiction. Si le coupable revient à pécher, on lui imposera une pénitence, mais une pénitence non solennelle. Note. Cette question se rapporte à l'ancienne discipline de l'Église et aux canons pénitentiaux, qui ne sont plus en usage. Fin de la note. 3. La pénitence solennelle peut-elle être imposée aux femmes et aux clercs? Et tout prêtre peut-il l'imposer? Il ne faut pas confondre la pénitence solennelle avec la pénitence publique. La pénitence solennelle est toujours publique, mais non réciproquement. En voici le rite. Au commencement du carême, les pénitents, sous la conduite de leur prêtre, se présentent à l'évêque de leur diocèse, à la porte de l'église, revêtus d'un sac, les pieds nus et les yeux baissés. Introduit dans l'église, il récite, avec l'évêque et le clergé, les psaumes de la pénitence. L'évêque leur impose les mains, leur met de la cendre sur la tête et un cilice autour du cou, puis il leur annonce qu'ils sont chassés de l'église, comme Adam du paradis terrestre. La même cérémonie se renouvelle chaque année. La pénitence solennelle n'est imposée que par l'évêque. Elle peut être prescrite aux femmes aussi bien qu'aux hommes, mais non aux clercs, à cause des scandales qui pourraient s'en suivre. En tout cas, elle ne saurait être imposée que pour des crimes qui ont scandalisé tout un pays. La pénitence publique se pratique aussi à la face de l'Église, mais sans la solennité de la première. Elle consiste, par exemple, à faire un pèlerinage le bâton à la main. Elle peut se réitérer et être enjointe par de simples prêtres, même à des clercs. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.